Donc, vous êtes de retour à Futur Simple sur les ondes de CKRL 89.1 et c'est Christiane Dupont qui vous parle. C'est l'automne bientôt, pas tout à fait, mais ça s'en vient, ça sent un peu l'automne. Et puis au printemps aussi, bien, l'observateur averti va remarquer le passage d'oiseaux migrateurs. On entend déjà quelques petites oies des fois dans le ciel. Au Canada, ce sont plus de 500 espèces d'oiseaux migrateurs qui s'établissent ici au moins pour une partie de l'année. Mais pourquoi les oiseaux migrent-ils? Comment font-ils pour savoir quand c'est le temps de partir? Comment ils savent où aller? Surtout, moi, c'est beaucoup ça qui m'échappe. Quels sont les différents types de migration? Est-ce que les activités humaines ont des impacts? Bref, il y a beaucoup de questions. Et puis, notre chroniqueuse Geneviève Gay est ici pour répondre à ces questions. Alors, bonjour Geneviève. Bonjour Christiane. Donc, je vais d'abord répondre à ta question. Pourquoi les oiseaux migrent-ils? Bien, il faut savoir, en partant, que la migration est un cycle biannuel où des oiseaux quittent leur territoire de reproduction ou d'hivernage à une date presque identique. Année après année. Donc, la migration est déclenchée par une sorte d'horloge interne qui est propre à chaque oiseau, qui est liée à la photopériode. Puis, globalement, ben, la migration de printemps est beaucoup plus rapide et directe que celle de l'automne. Donc, laisse-moi deviner, est-ce que c'est beaucoup les mâles qui ressentent une pression, là, le temps est compté? Tout à fait, c'est ça. Plus un mâle regagne rapidement son aire de reproduction, plus il aura de chances d'occuper le meilleur territoire et ainsi d'attirer les femelles. Premier arrivé, premier servi. Il arrive, il est bien placé. Plus de chances, voilà. Donc, okay. Au printemps, les migrations sont plus rapides et directes. Donc, mais en plus de servir à maximiser les chances de reproduction, ben la migration constitue une manière d'échapper à un changement d'habitat aussi et à une baisse de disponibilité de la nourriture qui est liée souvent aux rigueurs d'un climat qui est défavorable. Enfin, ils s'en vont parce que c'est plus une bonne idée d'être où ils sont. Au niveau de nourriture, ils sont plus capables de trouver le type de nourriture qu'ils ont besoin. Donc, le régime alimentaire des oiseaux migrateurs les rend dépendants des milieux où ils vivent. Okay. Donc, durant l'hiver, ils sont contraints de chercher ailleurs la nourriture qui est plus disponibles là où ils se reproduisent. Donc, les espèces sédentaires, par contre, elles vont être capables de diversifier leur régime alimentaire en fonction des saisons. Donc, on peut déduire que les insectivores vont être des migrateurs, parce qu'en hiver, il y a peu d'insectes dans nos régions. Ça va moins bien. C'est ça. Alors que les granivores ou les omnivores sont sédentaires ou migrent sur de petites distances. Et puis, nous savons pourquoi les oiseaux migrent, mais dans les faits, comment ils migrent? Comment ça se passe? Ça, c'est une question qui est encore parsemée d'incertitudes puis qui est l'objet de nombreuses recherches aujourd'hui. On sait cependant, là, avec plus ou moins de certitudes, que les oiseaux migrateurs font appel à des aptitudes innées, mais aussi acquises. Un mélange des deux. C'est ça. Ce sont deux mécanismes différents qui sont mis en œuvre. D'abord, afin que les oiseaux éprouvent le besoin de migrer, puis afin de savoir comment s'orienter et où migrer. Donc, la date de départ varie selon l'espèce aussi. Certaines sont plus hâtives, d'autres vont attendre à la dernière minute. Un peu comme les humains, il y a toutes sortes de mondes. Toutes sortes de mondes, c'est ça. Donc, les oiseaux tardifs, eux autres, par contre, contrairement aux humains, peuvent en mourir s'ils attendent trop. Donc, ils ont intérêt à quand même être rapides. C'est ça. Donc, on a observé que les oiseaux vont devenir plus actifs quelques temps avant le départ, puis vont produire une hormone qui est destinée à faciliter leur engraissement. On appelle ça l'astéatose hépatique. Les grandes plumes des ailes aussi, on appelle ça les rémiges, vont muer. Bref, ils s'équipent pour le grand voyage. Ce sont des phénomènes qui, eux aussi, sont l'objet de nombreuses études, qui sont provoqués par la diminution de la durée du jour et de la baisse de la température. Comme s'il y avait un appel, là, il commence à faire plus froid, il fait moins clair, on s'en va. C'est ça, ils sentent comme une fébrilité gagnée. Okay. Ouais. Puis quand on pense aux migrations, par exemple, on peut penser à des sites pas loin d'ici, à Cap-Tourmente, mm-hmm, qui est très connu pour les oies. Les oiseaux migrateurs semblent emprunter vraiment un itinéraire précis, là. Ils se perdent c'est pas. C'est pas au hasard, c'est ça. Que même si les oiseaux migrateurs vont vivre sur de vastes zones, pendant leur migration, ils vont se concentrer le long d'itinéraires bien établis, qui sont connus sous le nom de corridors ou de couloirs de migration. On peut comparer ça finalement à l'aire d'hivernage ou l'aire de reproduction. C'est comme un gros entonnoir finalement. Ils vont comme se concentrer le long d'un corridor, puis oups! Après ça, ils vont se disperser dans l'endroit où ils vont. Donc, avant d'entreprendre la traversée d'un grand plan d'eau, par exemple, ou d'une région aride, en Europe, on pense au désert du Sahara, ben, les oiseaux vont se rassembler là où les vents leur sont favorables et où la nourriture est abondante, le long du fleuve Saint-Laurent, le long des grands lacs. Bon, tu as mentionné le Cap-Tourmente, c'en est un, oui, on l'associe à l'Oie des Neiges. Mais ailleurs au Canada, il y a le parc national de la Pointe-Pelée qui se trouve sur un de ces corridors, puis où il y a plus de 360 espèces d'oiseaux qui passent par là. Ouais. Qu'il existe plusieurs façons de migrer. Il doit y avoir différents patrons. Là, oui, ça ne va pas fonctionner. Tout à fait. Donc, certaines espèces vont migrer totalement, c'est-à-dire que les mâles et les femelles vont passer d'une zone d'hibernage à une zone de nidification. Des fois, on va avoir des zones là, permanentes, des habitats permanents entre les deux, mais vraiment, mâles et femelles vont passer de l'un à l'autre complètement. Donc, on n'a qu'à penser à la sterne arctique. On en a tous entendu parler. Ah, ça, c'est impressionnant. C'est ça. Là. Qui peut passer, là, partir du Groenland et migrer jusqu'en Australie. Elle fait ça, là, finalement, deux fois par année. C'est entre 12 12 et 20 000 kilomètres. C'est sportif. C'est quelque chose, oui. Mais d'autres vont migrer partiellement, comme certaines espèces, ce sont les femelles et les jeunes qui vont migrer, alors que les mâles, qui sont plus territoriaux, vont s'éloigneront pas du tout ou très peu de leur site de nidification. Ils vont préférer adapter leurs habitudes alimentaires et affronter les rigueurs de l'hiver plutôt que de perdre leur site de reproduction. Et puis, en fait, chaque espèce dispose de sa propre stratégie de migration. Il n'y a pas de généralisation à faire. Non, ben... Pas beaucoup. Dans les stratégies, on généralise, mais en fait, chaque espèce va adopter un comportement migratoire qui répond à des nécessités énergétiques très précises. Donc, quand muer, quand partir, comment faire ses réserves sans trop s'alourdir, quel type de vol emprunter, voyager seul ou en groupe, de jour ou de nuit. Donc, quand on pense là aux réserves qu'un oiseau accumule, ça va être lié au type de vol, OK? Un oiseau qui stocke beaucoup de graisse va devoir s'arrêter plus souvent, alors qu'un oiseau qui en stocke moins va voler plus longuement. Mais ces oiseaux-là, ceux qui stockent moins de graisse, vont aussi utiliser le vent à leur avantage. Donc, plusieurs espèces d'oiseaux ne volent que quelques heures par jour, puis vont arrêter sur des surfaces propices où ils peuvent se reposer puis se nourrir. Bon, cette façon de faire est typique des petits oiseaux qui volent en basse altitude et qui pratiquent le vol battu. Le vol battu. Autrement dit, ils battent inlassablement des ailes pour avancer. C'est ça. Eux autres, là, c'est frénétique. Juste... Ils battent. Fait qu'on peut imaginer les dépenses énergétiques ça doit être quand même incroyable. C'est ça. Donc, ces petits oiseaux-là ne volent pas nécessairement tous les jours ni dans toutes les conditions. Là. Ils peuvent attendre quelques jours un bon vent arrière. Mm-hmm. Alors, ils vont se mettre à voler plus haut ou modifier leur trajectoire afin de suivre les côtes. Alors, ils vont voler plus bas. Donc, ils vont s'adapter. Ça va causer aussi des déportations causées par les vents qui suivent. Qui les tassent. Ça les tasse, mais ces déportations-là sont pas corrigeantes en réel, parce que ça leur coûterait de l'énergie faire ça, mais ils vont plutôt le faire après quelques journées, au fil des journées. Okay. Mais au bout du compte, ça finit par compenser. Donc, il y a d'autres qui vont adopter le vol à voile, comme le roi des neiges. Donc, les oies vont se placer en V les unes derrière les autres, puis les oiseaux vont exercer une sorte de poussée vers le haut, puis cette formation en V va permettre d'optimiser l'envolée en réduisant les facteurs de résistance. Ça permet de réduire les efforts en battement d'ailes jusqu'à 20% d'économie d'énergie. Puis, il va permettre aussi un mini-vol plané de 3 secondes quand on est dans ce type de formation-là, contre une demi-seconde si l'oie était toute seule. Donc, au bout du compte, ça apparaît. Donc, les oies des neiges planent. Oui, mini-mini. Mais c'est rien en comparaison du vol plané des oiseaux de proie, là. Qui planent pendant plusieurs minutes. Quoi. Justement, on les appelle à juste titre les planeurs. C'est des spécialistes de ce type de vol-là. Eux autres, ils peuvent faire leur migration presque sans s'arrêter puis presque jamais battre d'ailes. Ils ont compris. Donc, ils utilisent les courants d'air chaud ascendant pour s'élever sans effort. Puis après ça, ils se laissent descendre, ils se laissent planer jusqu'à la prochaine convection thermique. Donc, c'est un peu aussi la même stratégie qui va être adoptée par les grands oiseaux de mer, comme les albatros, les pétrels, sauf qu'eux vont avancer en utilisant les vents déviés à la verticale par les crêtes des vagues. Les autres aussi vont s'élever dans les airs, puis se laisser planer en redescendant jusqu'à la prochaine montée, la prochaine convection. Et puis, les recensements révèlent que plusieurs oiseaux préfèrent souvent voyager la nuit. Hein? Oui. On les voit pas, mais ça m'est déjà arrivé même le soir d'entendre des oiseaux, il fait noir. C'est ça, effectivement. Pour quelle raison? Ben c'est tout nouveau. On commence à en connaître de plus en plus en faisant des recensements par radar. Donc, on s'est rendu compte que c'est les deux tiers des oiseaux migrateurs qui voyageraient de nuit. C'est impressionnant. Quand même, oui. Donc, ce fait va concerner particulièrement les migrateurs au long cours, ceux qui vont très loin, qui auraient tendance à adopter ce type de vol-là. Trois raisons vont être évoquées pour justifier ça. D'abord, il y a un gain de temps et la nécessité de s'alimenter. Donc, migrer, ça prend du temps et il faut s'alimenter aussi. Quand on va très loin, ça prend plus de temps. Donc, les migrateurs au long cours volent de nuit. Ils vont pouvoir consacrer leur journée pour s'alimenter et dormir. Contre les migrateurs de courte distance, eux autres, finalement, ils n'ont pas grand-chose à faire. Donc, ils vont voyager le matin, ils vont s'alimenter le reste de la journée puis dormir la nuit. On voit la nécessité de voyager de nuit à ce moment-là, ça, c'est facile. Il y a l'économie d'énergie aussi. Ça prend moins d'énergie volée dans l'air nocturne qui se trouve à être plus frais puis plus dense. Puis aussi, les vents horizontaux sont plus faibles. Bref, il y a généralement moins de turbulences la nuit. Puis aussi, il y a moins de risques physiologiques liés à l'hyperthermie quand il fait très chaud. Au gros soleil. C'est ça, et à la déshydratation. OK. Mais une question là, primordiale, comment font-ils pour s'orienter? Parce qu'encore plus la nuit, là. Oui, c'est ça. Donc, encore là, on ne sait pas avec certitude comment font les oiseaux migrateurs pour pas se perdre, mais on en connaît quand même un petit bout. Selon les connaissances actuelles, on sait que les oiseaux utilisent des repères visuels géographiques. On sait aussi qu'ils utilisent les astres et le champ magnétique terrestre. Bon, en fait, on pense que les oiseaux sont pourvus de compas biologiques internes, qui sont des mécanismes qui vont leur permettre de maintenir une direction constante en utilisant des référentiels externes que j'ai mentionnés, mm-hmm. dont cette information-là va être traitée au niveau neurophysiologique. Il y a trois types de compas biologiques. Il y a le compas solaire et le compas magnétique qui serait inné, puis ensuite le compas stellaire qui serait acquis et utilisé en complément du compas magnétique. Ça rend jaloux, on dirait que j'aimerais ça, moi, avoir ça, ça a l'air popé. Ça a l'air vraiment fun. mais si on en vient aux activités humaines et au changement climatique, il y a peut-être des impacts là, qui peuvent être observés, modification de l'environnement, ça change tout pour eux. Tout à fait, puis même les observations récentes là, qui sont liées au changement climatique, bon, ont permis de constater l'impact de l'augmentation des températures sur les oiseaux migrateurs. Parce que bon nombre vont se retrouver à se sédentariser de plus en plus. Au Québec, on remarque bon, des espèces comme le canard noir, le canard colvert, le merle d'Amérique, même la tourterelle triste vont passer de plus en plus leurs hivers parmi nous. Donc, ce sont des comptages réalisés notamment par la société Audubon, là, le fameux recensement de Noël. Mm-hmm. Bon, par exemple, vont permettre de constater cette sédentarisation croissante ou au moins la tendance généralisée à passer l'hiver de plus en plus vers le nord. Donc, les hausses de température vont modifier le calendrier migratoire de certaines espèces. Donc, un nombre croissant d'oiseaux tarde à partir. Là, comme je disais, ils vont même se faire surprendre là, par des tempêtes ou par le froid. Ouais, parce que c'est pas constant d'une année à l'autre. Mm-hmm. La hausse, si on regarde les moindres graphiques, ça, c'est un peu en dents de scie. Donc, des fois, ils se font surprendre puis ils en meurent. D'autres activités, comme justement, tu parlais de perturbations aux habitats, bon, il y a l'assèchement des milieux humides, aussi l'exploitation des sols. Prenaient des pauses, là, maintenant. Exactement. Ça, c'était des sources de nourriture et de repos. Si on assèche ces milieux-là, ils se trouvent privés de nourriture et d'habitat. Mm-hmm. Donc, il arrive après une année, il y a des constructions résidentielles qui se font. Oups, ils venaient l'année après l'année. Oups, il n'y a plus rien. Donc, il y a des impacts là-dessus. Donc, aussi, l'exploitation des sols bitumineux dans l'Ouest canadien, bon, vont provoquer la perte et la fragmentation des habitats qui sont propices aux oiseaux migrateurs. Donc, selon le Boreal Songbird Initiative, bon, l'exploitation des sables bitumineux menacerait la survie de 160 millions d'oiseaux. Wow. Et ça, sur un horizon de 30 à 50 ans, c'est quand même pas si long. C'est énorme. Donc, on peut facilement imaginer les coûts écologiques qu'une telle perte engendrerait. Là, c'est toute la chaîne, etc., qui serait... Bref, les sables bitumineux, là, il y a beaucoup de problèmes environnementaux avec ça. Exactement. Merci beaucoup, Geneviève, pour cette chronique très instructive. Nous allons faire une courte pause musicale et nous allons être de retour avec Futur Simple. Voilà.